إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 29 dans la série de Al-Mulakhas al-Fiqhi, un livre de fiqh écrit par le Cheikh Salih al-Fawzan. Et donc aujourd'hui on va expliquer inshallah Babun fi ahkam salat al-Jumu'ah, c'est-à-dire le chapitre au sujet des règles de la prière de Jumu'ah. Donc le Cheikh il dit summiyat bidhalika li jam'iha al-khalq al-kathir يومها أفضل الأيام أو أفضل أيام الأسبوع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة وقال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون وفي رواية السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع. Donc le cheikh il dit que ce jour-là on l'a appelé Al-Jumu'ah parce qu'il réunit beaucoup de gens, et donc c'est un des meilleurs jours de la semaine à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Abu Dawood et An-Nasa'i et Ibn Majah, et c'est un hadith sahih. Il dit parmi les meilleurs jours, parmi vos meilleurs jours, c'est le jour de Al-Jumu'ah. Et également le Cheikh a mentionné un autre hadith qui dit nous sommes les derniers qui seront les premiers, yani au jugement dernier. Étant donné que nous sommes les derniers à venir en tant que Ummah, par rapport à l'ordre depuis la création jusqu'à la fin des temps, notre umma, c'est-à-dire la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la dernière umma, et puis donc on sera les premiers à être jugés au jugement dernier, hein, comme on dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers, hein, donc au jugement dernier on sera les premiers à être jugés, et les gens du livre sont venus avant nous, même si eux ils sont venus avant nous, c'est nous qui vont être avant eux au jugement dernier. Et après le cheikh il continue le hadith, il dit et ce jour là c'est un jour que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire pour vous, c'est à dire le jour de Jumu'ah, et les gens avant vous ont divergé à son sujet, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés Allah nous a guidés à Al-Jumu'ah, et donc les gens nous suivent au sujet de ce jour-là, hein, comme si nous on a le Jumu'ah, les juifs ont divergé avec les chrétiens, donc les juifs ont pris le samedi et les musulmans prennent les chrétiens prennent le dimanche. Donc nous alhamdulillah on a été guidés vers le jour à ce sujet-là. Ensuite, le Cheikh il dit, وروى مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان اليهود يوم فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله أو فهدانا ليوم الجمعة. Donc le Cheikh il rapporte un autre hadith rapporté par l'imam Muslim qui mentionne les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit que Allah a égaré du vendredi ou du Jumu'ah les peuples qui étaient avant nous. Et donc les Juifs ont eu le samedi et les chrétiens ont eu le dimanche, et Allah nous a donc il nous a donc guidé au jour de Jumu'ah. Et en passant, Jumu'ah, c'est-à-dire le, comme on a dit au début, le jour du rassemblement, hein, le jour où les gens se rassemblent, et tandis que les jours de la semaine dans le dans tels qu'ils sont dans la disons en Occident, ils ont donné à chaque jour de la semaine le jour d'une le nom d'une de leurs divinités, et ça retourne au temps des Romains, ce qu'ils donnaient aux astres. Ils donnaient aux astres des noms, et ces noms, ces astres-là représentaient pour eux des différentes parmi leurs divinités et les dieux qu'ils adoraient. Hein? Et les astres, donc ils adoraient les astres. Et donc il y a par exemple le jour de qui est lundi par exemple, c'est le jour de la lune. Hein? Même en anglais on dit Monday. Pour en réalité Moon Day, parce que c'est le jour de la lune. Sunday, c'est le jour du soleil. Hein? Et donc, ainsi de suite comme ça, le dimanche et lundi, mardi, mercredi, différents astres, Mercure, Vénus, etc. C'est tous des noms pour leurs dieux. Donc, le mieux, c'est d'éviter d'utiliser ces noms-là et ces jours-là comme les chrétiens utilisent, et d'utiliser les noms islamiques et la façon de nommer les jours de la semaine dans l'islam. C'est bien plus simple que ça, c'est que on dit le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4, le jour 5, hein, et après on dit le jour du vendredi, al-jumu'ah, c'est-à-dire le jour du rassemblement, et le jour du repos, le samedi. Après, le cheikh il dit شرع اجتماع المسلمين فيه لتنبيههم على عظم نعمة الله عليهم وشرعت فيه الخطبة لتذكيرهم بتلك النعمة وحثهم على شكرها وشرعت فيه صلاة الجمعة في وسط النهار ليتم الاجتماع في مسجد واحد. Donc le cheikh il dit que le jour du rassemblement des musulmans a été légiféré et ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer la grandeur de la miséricorde et de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Et le cheikh il dit que ce jour-là, on a aussi été commandé de faire le khutbah pour également rappeler les gens de cette grâce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait, et pour nous inciter à être reconnaissants vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cette grâce qu'il nous a fait. Et le cheikh il dit ensuite que également la prière a été ordonnée le jour de Jumu'ah au milieu de la journée pour que on soit capable de se réunir tous dans une seule mosquée. D'accord? Ensuite le cheikh il dit Amar Allah al-mu'minina bi hudur dhalika al-ijtima' wa istima' al-khutbah wa iqamat tilka as-salah. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذاروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné les croyants d'être présents à ce rassemblement là et d'écouter la khutba et d'établir la salah, comme il dit dans le verset 9 dans suratul Jumu'ah: Ô vous qui avez cru, lorsqu'on vous appelle à la prière au jour de vendredi, au jour de Jumu'ah, alors précipitez-vous au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et laissez le commerce. Laissez le commerce et la vente. Ça c'est mieux pour vous, si seulement vous saviez. Ensuite, le Cheikh il dit, et l'imam ibn al-Qayyim, قال l'imam ibn al-Qayyim, وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره وقد اختلف العلماء هل هو أفضل أم يوم عرفة على قولين وهما وجهان لأصحاب الشافعي وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره سورتي ألف لام ميم تنزيل الكتاب وهل أتى على الإنسان. Donc le Cheikh il dit en citant les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim dans Zadul Ma'ad, il dit que ça, parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré de sa guidance, c'est de montrer un grand respect et une grande importance pour ce grand jour, et pour honorer montrer de l'honneur par rapport à ce jour-là. Et il a prescrit pour ce jour-là des formes d'adoration spécifiques, qui le distingue d'autres jours. Et il dit que les ulama ont des différences d'opinion, une différence d'opinion à ce sujet, c'est-à-dire est-ce que le jour de Jumu'ah est meilleur ou le jour de Arafah. Et on sait que le jour de Arafah, c'est un des plus grands jours de l'année. Donc, on voit tout de suite l'importance du jour de vendredi. Si on peut être capable de, on peut comprendre qu'il y a une différence d'opinion entre les ulama à ce sujet-là. Donc, ça montre que il y a quand même une très grande importance au sujet de Jumu'ah, puisque on peut le comparer à Arafah. Et donc le cheikh il dit qu'il y a deux opinions à ce sujet-là, et deux points de vue même chez les compagnons de l'imam Shafi'i. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque c'était le jour de Jumu'ah, il récitait dans la prière de Fajr deux surahs. Il récitait Alif Lam Mim Tanzilul Kitab, c'est-à-dire Suratu Sajda, et il récitait Al-Insan aussi. Ensuite, le cheikh il mentionne une parole de l'imam Ibn al-Qayyim encore une fois qui dit: Ila an qal wa sami'tu shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah yaqul innama kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u hatayn as-suratayn fi fajr al-jum'ah li'annahuma tadammanata ma kana yakunu fi yawmiha fa'innahuma ishtamalata ala khalqi Adam وعلى ذكر المعاد وحشر العباد وذلك يكون يوم الجمعة وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة ثم يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت من أي صورة. Le Cheikh il dit que l'imam Ibn al-Qayyim a continué à dire qu'il a entendu son Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, c'est-à-dire Ibn al-Qayyim, puisque c'était l'élève de Ibn Taymiyyah, il dit qu'il a entendu son Cheikh qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait ces deux sourates-là le jour du vendredi, car ces deux sourates comprenaient des choses qui arrivent dans ce jour-là, qui vont arriver dans ce jour-là, et qui sont déjà arrivés dans ce jour-là, dans le sens que ça parle de la création de Adam, et on sait qu'il a été créé un vendredi, et ça parle également du jour de la résurrection et du rassemblement des serviteurs au jugement dernier, et ça va être également un vendredi. Donc, le Cheikh, il dit qu'il y a, dans le fait de réciter ces deux sourates-là, ce jour-là, un rappel pour la Ummah de ce qui va y arriver, et de ce qui s'est passé, et de ce qui va arriver dans ce jour-là. Et donc, la prosternation qu'il y a dans Suratul Sajda, c'est juste parce qu'elle fait partie de cette sourate, mais c'est pas ça qui est voulu en tant que tel, c'est-à-dire, c'est pas la prosternation elle-même qui est voulue, mais c'est plutôt qu'est-ce que la sourate comprend de rappel en ce qui concerne les choses qu'on a mentionnées. Et il dit que on pourrait donc prier avec d'autres sourates, c'est pas nécessaire que ce soit exactement ces deux-là à chaque fois, sauf que, yani, ça, c'est des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait lui-même. Ensuite, le cheikh il dit, ومن خصائص يوم الجمعة استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفي ليلته لقوله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثروا علي يوم الجمعة وليلة الجمعة رواه البيهقي. Donc ça c'est un hadith qui est apporté dans Zadul Ma'ad, qui est mentionné encore dans Zadul Ma'ad. Le cheikh dit, parmi les caractéristiques du jour du vendredi, c'est qu'il est recommandé d'envoyer beaucoup de saluts sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, également dans le jour et dans la nuit de Al-Jumu'ah. Et ça c'est basé sur un hadith que le cheikh a mentionné, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites beaucoup de d'envoyer beaucoup de saluts sur moi ou de salat sur moi, c'est-à-dire de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'envoyer son salut et sa paix sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du vendredi et la nuit le jour du Jumu'ah et la nuit du Jumu'ah. Et ça c'est rapporté par Al-Bayhaqi et il est dans Zadul Ma'ad. Toutefois je n'ai pas trouvé dans les références pour vérifier l'authenticité. Toutefois celui qui retourne dans Zadul Ma'ad, il va trouver sûrement l'authenticité de ce hadith, parce que il y a le tahqiq, il y a eu un tahqiq de ce livre, donc je pense sûrement il y a la vérification à ce sujet-là. Ensuite le cheikh il dit ومن أعظم خصائص يوم الجمعة صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين ومن ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. Cheikh il dit que parmi les plus grandes spécificités ou caractéristiques du Jumu'ah, du jour de Jumu'ah, c'est la prière dans ce jour-là, qui est une des plus grandes obligations dans l'islam et un des plus grands rassemblements des musulmans. Et celui qui l'a abandonné plus que trois fois, c'est-à-dire qu'il l'a abandonné trois fois, trois vendredis, eh ben Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il dit, c'est basé sur un hadith qui est rapporté par Abu Dawood, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah, qui est rapporté également par Al-Bukhari et Muslim. Par Muslim, pardon. Selon Abi Huraira, que yani, celui qui a abandonné trois vendredis par négligence, celui qui a abandonné trois vendredis par négligence, Allah subhanahu wa ta'ala va sceller son cœur. Et ça c'est Hassan Sahih. Donc ensuite le Cheikh il dit وَمِنْ خَصَائِصِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْأَمْرُ بِالِاغْتِسَالِ فِيهِ وَهُوَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ومن العلماء من يجيبه مطلقا ومنهم من يجيبه في حق من به رائحة يحتاج إلى إزالتها. Donc le cheikh il explique que parmi les caractéristiques du Jumu'ah, c'est que il y a le commandement de se laver, de faire le ghusl pour ce jour-là, et le cheikh il dit que c'est une sunna mu'akkada, d'accord. Et il dit que il y en a même parmi les ulama qui l'obligent et qui déclarent que c'est obligatoire. Et donc le cheikh il dit, il y en a d'autres également qui disent que c'est obligatoire uniquement pour celui qui a une odeur qui est mauvaise et qui a besoin de, disons, l'enlever. Donc il se lave pour enlever son mauvaise odeur, etc. Parmi les caractéristiques, le cheikh dit ومن خصائص يوم الجمعة استحباب التطيب فيه وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع. Cheikh dit que parmi les caractéristiques du Jumu'a, c'est qu'il est recommandé également de se parfumer pour sentir bon. Et il dit que c'est mieux, c'est encore plus, c'est encore meilleur de se parfumer pour sentir bon ce jour-là que le reste des autres jours de la semaine, parce qu'on sait que c'est toujours recommandé d'avoir une bonne odeur et de se parfumer, mais ce jour-là en particulier, c'est encore plus recommandé. Ensuite, le cheikh il dit ومن خصائص هذا اليوم استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد لصلاة الجمعة والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة ووجوب الإنصات للخطبة إذا سمعها فإن لم ينصت للخطبة كان لاغيا ومن لغى فلا جمعة له. Le cheikh il dit que parmi les caractéristiques du jour du Jumu'ah, il est recommandé de venir plus tôt et de partir tôt pour la prière de Jumu'ah et de s'occuper à faire des prières volontaires et de faire des dhikr, des rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala et de réciter le Coran jusqu'à ce que l'imam sorte pour faire la khutbah. Et il est obligatoire de garder le silence, pendant le Jumu'ah lorsque l'imam fait sa khutbah et de l'écouter. Et il ne doit pas parler, il doit garder le silence et il ne doit pas jouer non plus avec quoi que ce soit durant la khutbah. Il garde le silence et il écoute et il ne se laisse pas déconcentrer par des choses autour de lui. Et il dit le cheikh que les choses, parmi les choses qui montrent l'obligation de ne pas parler, il y a le fait que celui qui parle durant le Jumu'ah, il a fait qu'est-ce qu'on dit lara, faqad lara, et celui qui parle donc il a annulé son Jumu'ah, il n'aura pas de récompense au jour du Jumu'ah. Donc c'est ça. Et puis le cheikh il dit wa tahrimul kalam waqt al khutba fa fil musnad marfu'an wallazi yaqulu li sahibihi insit fala jumu'ata lah. Donc l'interdiction de parler lors du discours de Jumu'ah, la khutba, c'est rapporté, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, man takallam man wa man laha fala jumu'ata lah, c'est avec n'importe quoi, Yanni. Même celui qui joue avec des pierres ou des roches ou qui s'amuse avec d'autres choses, il a perdu sa récompense de Jumu'ah. Également celui qui dit à son compagnon tais-toi ou bien ne parle pas, ou même s'il fait un son comme chut, comme ça, les gens qui font ça des fois. Bon, ça aussi, celui qui dit ça à son compagnon ou qui fait ça à son compagnon pour lui dire de se taire, eh bien, il a lui aussi parler, il a dérangé et donc il a perdu la récompense de son Jumu'ah. Ça c'est, il y en a d'autres. Donc ici les hadiths il les mentionne selon Ahmad et également selon Abdul Razzaq dans Al-Musannaf, et également donc, mais toutefois Il n'y a pas de mention de l'authenticité des hadiths ici, à ce sujet-là. Toutefois, c'est un point qui est très connu, et mentionné souvent par les ulama. Donc, il n'y a pas de doute que il y a une référence authentique à ce sujet-là. C'est juste que le cheikh, il n'a peut-être pas mentionné le hadith sahih, ou bien il n'a pas mentionné la référence. Est-ce que c'est authentique ou non? Toutefois, bon, le fait qu'on ne doit pas parler dans le Jumu'ah, c'est quelque chose qui est bien connu. Ensuite, le cheikh il dit وَمِنْ خَصَائِصِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْكَهْفِ فِي يَوْمِهَا فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم أنه قال مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين رواه الحاكم والبيهقي. Donc le cheikh il mentionne un hadith ici qui est authentique, rapporté par Al-Hakim et Al-Bayhaqi. Et le Sahih, Cheikh Al-Albani l'a mentionné, Sahih dans Irwa Al-Ghalil. Et il dit que, le Cheikh il dit, parmi les caractéristiques du jour du Jumu'ah, il faut lire la Surat Al-Kahf ce jour-là. Et il dit que, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet-là, celui qui récite Surat Al-Kahf le jour du Jumu'ah, il aura comme une lumière qui va lui sortir sous les pieds et qui va aller jusqu'au ciel et qui va l'éclairer au jugement dernier, et il sera pardonné entre les deux Jumu'ah. Qu'est-ce qu'il a fait entre les deux Jumu'ah? Et bien entendu, ça c'est le pardon pour ces entre les deux Jumu'ah, c'est pour les péchés qui sont mineurs et non pas les grands péchés. Hein? Comme un autre hadith le mentionne, entre une Jumu'ah jusqu'à une autre Jumu'ah, il y a une expiation pour les péchés tant qu'on a écarté ou tant qu'on n'a pas fait des kaba'ir. D'accord. Donc le Cheikh il dit ومن خصائص يوم الجمعة أن فيه ساعة الإجابة ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وقال بيده ويقللها وقال بيده يقللها. Donc le cheikh il dit que parmi les caractéristiques du jour du Jumu'ah, il y a dans ce jour-là une heure où Allah exauce nos demandes et nos requêtes ou qu'est-ce qu'on lui demande. Et ça fait rapporter dans Al-Bukhari et Muslim un hadith selon Abi Huraira qui dit qu'il y a une heure dans Al-Jumu'ah ou un moment dans le jour de Jumu'ah que si le musulman arrive à coïncider sa prière ou sa demande avec ce moment-là, cette heure-là, lorsqu'il prie et qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, Allah va lui donner ce qu'il a demandé. Donc après le cheikh il dit وَمِنْ خَصَائِصِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَنَّ فِيهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي يُقْصَدُ بِهَا الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ وَتَمْجِيدُهُ وَالشَّهَادَةُ لَهُ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِرَسُولِهِ بِالرِّسَالَةِ صلى الله عليه وسلم وتذكير العباد. Le cheikh il dit que parmi les caractéristiques du jour du Jumu'ah, il y a le fait qu'il y a dedans al-khutbah, le discours, le sermon. Et dans ce sermon, on a comme but quand on fait le sermon de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et de témoigner de son unicité et également de témoigner que son messager est envoyé avec un message et pour rappeler les serviteurs de toutes sortes de choses qui sont bonnes pour eux. Ensuite le cheikh il dit وَمِنْ خَصَائِصِ هَذَا الْيَوْمِ وَخَصَائِصُ هَذَا الْيَوْمِ كَثِيرَةٌ ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه زاد المعاد وأوصلها إلى 33 و100. سبحان الله. Donc le cheikh il dit parmi les caractéristiques de ce jour, elles sont nombreuses, il dit, le cheikh il dit, elles sont très nombreuses. L'imam ibn al-Qayyim al-Jawziya dans son livre Zad al-Ma'ad, il les a fait atteindre le nombre de 133 caractéristiques pour al-Jumu'ah. Donc ça vous dit 133 caractéristiques, c'est pas un petit nombre. Et Zad al-Ma'ad, en passant, le cheikh Ibn al-Qayyim, il a écrit Zad al-Ma'ad sur le dos de son âne lorsqu'il était en route. Je pense s'il s'en allait en faire le Hajj ou quelque chose comme ça. Il a écrit à Dodan lorsqu'il était en voyage. Donc, mashallah, hein, il n'a pas perdu son temps, comme on dit. C'est 5 volumes environ, donc c'est assez gros comme livre. Le Cheikh il dit « ومع هذا يتساهل كثير من الناس في حق هذا اليوم فلا يكون له مزية عندهم على غيره من الأيام والبعض الآخر يجعل هذا اليوم وقتا للكسل والنوم والبعض يضيعه باللهو واللعب والغفلة عن ذكر الله حتى إنه لينقص عدد المصلين في المساجد في فجر ذلك اليوم نقصا ملحوظا فلا حول ولا قوة إلا بالله. Le Cheikh il dit que beaucoup de gens ont pris, ont négligé l'importance de ce jour-là. Alors pour certains, ce jour-là, c'est il n'a aucune particularité pour eux par rapport aux autres jours de la semaine. Yani. C'est-à-dire ils l'ont tellement négligé que c'est devenu comme un jour ordinaire pour eux. Tandis que pour d'autres, ils font de ce jour-là un jour pour la paresse et pour dormir. Et certains, yani, ils le gaspillent avec toutes sortes de distractions, puis de divertissements, de jeux, et d'insouciance, yani, par rapport au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit à un point que on voit parfois même que le nombre de gens qui viennent prier dans les mosquées, le fajr de ce jour-là, diminue d'une façon remarquable. Donc le cheikh il dit فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Ensuite il dit وَيُسْتَحَبُّ التَّبْكِيرُ فِي الذَّهَابِ إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدِ صَلَّ تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ. Le cheikh il dit qu'il est recommandé, comme on a dit, de venir tôt pour à la mosquée pour le jour du vendredi. Lorsque quelqu'un rentre dans la mosquée, il rentre et il fait le salut de la mosquée deux rak'ah. Hein, il s'assoit pas avant d'avoir fait deux rak'ah. Et même s'il rentre et que l'imam fait la khutbah, il fait quand même deux rak'ah avant de s'asseoir. Le cheikh dit wa idha kana mubakkiran fa arada an yatanaffal bi ziyadati salawatin fala mani'a min dhalik li'anna as-salaf kanu yubakkiruna wa yusalluna hatta yakhruj al-imam. Le cheikh dit que si la personne veut venir plus tôt, elle peut, lorsqu'elle arrive tôt, qu'est-ce qu'elle elle peut faire plus de prières. Elle peut faire un nombre supplémentaire de prières surérogatoires ou bien volontaires, et il n'y a pas de mal à faire ça. Et les salafs, quand ils arrivaient tôt, ils priaient jusqu'à ce que l'imam sorte pour le khutbah. Donc ça, le cheikh ensuite il mentionne les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah à ce sujet-là. Il dit قال Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah رحمه الله والأولى لمن جاء إلى الجمعة ويشتغل بالصلاة والأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغل بالصلاة حتى يخرج الإمام لما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ما كتب له بل ألفاظه صلى الله عليه وسلم فيها الترغيب في الصلاة إذا قدم الرجل المسجد يوم الجمعة من غير توقيت وهو المأثور عن الصحابة كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعة يصلون من حين يدخلون ما تيسر فمنهم من يصلي 10 ركعات ومنهم من يصلي 12 ركعة ومنهم من يصلي 8 ركعات ومنهم من يصلي أقل من ذلك ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت مقدرة بعدد. Donc le cheikh il dit que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a expliqué que le mieux le jour du vendredi, lorsque tu rentres à la mosquée, et que c'est de faire des prières, volontaires jusqu'à ce que l'imam sorte. Ça c'est basé sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih rapporté par Al-Bukhari selon Salman Al-Farisi, il dit dans ce hadith là, il dit il prie ce qu'Allah lui a prescrit, ou qu'est-ce qu'il lui a destiné. Et il dit que dans les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une forme d'incitation à faire de la prière, à faire des prières lorsque quelqu'un arrive à la mosquée le jour du vendredi, sans qu'il y ait sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait déterminé un temps spécifique. Et le cheikh dit que qu'est-ce qui a été rapporté de la part des sahaba à ce sujet-là, c'est que lorsqu'il entrait dans la mosquée le jour du vendredi, il faisait des salawat, des prières volontaires. Lorsqu'il rentrait, et il priait ce qu'ils étaient capables jusqu'à ce que l'imam sorte pour faire la khutbah. Et ça c'est rapporté dans Al-Musannaf de Abd al-Razzaq et Al-Musannaf de Ibn Abi Shayba. Ensuite, il dit, il y en a parmi eux qui faisaient donc 10 raka'at, il y en a d'autres qui faisaient 12 raka'at, et il y en a d'autres qui faisaient 8, et d'autres qui faisaient moins que ça. Et donc, le cheikh, il dit que c'est pour ça que la majorité des imams sont tous d'accord qu'il n'y a pas une sunna spécifique qui est limitée par un temps avant le Jumu'ah, et qui est limité par, ou qui est déterminé par un nombre de rakats spécifiques. Le cheikh il dit, وَالصَّلَاتُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ حَسَنَةً لَيْسَتْ بِسُنَّ رَاتِبَةً. Le cheikh il dit que de faire des prières volontaires avant le Jumu'ah, c'est quelque chose de bien, et que ça ne fait pas partie des sunnas qui sont fixes. Ça ne fait pas partie des sunnas fixées et préétablies. Le cheikh il dit, وإن فعل أو ترك لم ينكر عليه ومن أعد وهذا أعدل الأقوال وحينئذ فقد يكون الترك أفضل إذا اعتقد الجهال أنها سنة راتبة. Le cheikh il dit que celui qui le fait ou celui qui l'abandonne, eh bien, il n'y a pas de problème, on ne doit pas lui critiquer de l'avoir abandonné ou de l'avoir fait. Et il dit que ça c'est la position la plus juste à ce sujet-là. Et donc il dit donc, par conséquent, si quelqu'un a abandonné cette action-là, le fait de faire ça, parfois c'est mieux, selon le cas, parce qu'il dit que parfois les gens qui sont ignorants peuvent même arriver à penser que c'est quelque chose qui est obligatoire de faire ça. Donc dans ce sens-là, yani. Ensuite, le cheikh il dit, هذا ما يتعلق بصلاة النافلة قبل صلاة الجمعة فليس لها راتبة قبلها وإنما راتبتها بعدها. ففي صحيح مسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. Le cheikh il dit que ça c'est en ce qui concerne qu'est-ce qu'on a dit là, c'était en ce qui concerne la prière volontaire avant la prière de Jumu'ah. Toutefois, il n'y a pas un nombre comme on dit fixe et un temps fixe pour les prières de Nafila avant la prière de Jumu'ah. Toutefois, les nombres de prières fixes après la prière de Jumu'ah c'est-à-dire que c'est pas avant, c'est après qu'il y a un nombre fixe de prières, ou bien qu'il y a une prière sunna qui est fixée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est rapporté selon l'imam muslim dans son sahih selon Abi Huraira radiallahu anhu, qui dit que lorsque l'un de vous prie al-Jumu'ah alors qu'il fasse 4 rak'ah après. Et le cheikh il dit, wa fi sahihayn annahu sallallahu alayhi wa sallam kana yusalli ba'da al-jum'a rak'atayn wal jam'u bayn al-hadithayn annahu salla fi baytihi rak'atayn wa in salla fi al-masjid salla arba rak'at. Le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a été rapporté également à son sujet dans Sahihain dans le Bukhari Muslim, qu'il faisait 2 rak'at après le Jumu'ah. Et donc, on voit que dans un hadith il disait de faire 4 et lui il priait 2 après le Jumu'ah. Le cheikh il dit que pour réunir ces deux hadiths là, c'est qu'il priait 2 deux prières dans sa maison et deux à la mosquée. Donc ça fait quatre dans ce sens-là. Après le cheikh il dit wa in sha'a salla sitt rak'at li qawl ibn Umar kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha salla al-jum'a taqaddama fa salla rak'atayn thumma taqaddama fa salla arba'an. Il dit que il peut même en faire six rak'at s'il veut après, en se basant sur la parole de Ibn Umar, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait le jumu'ah, il faisait après deux rak'at et il s'avançait et il faisait quatre rak'at ensuite. Toutefois, il n'y a pas de référence mentionnée du tout. Donc ça doit être soit que c'est la suite de l'autre hadith ou bien soit que c'est par Al-Bukhari et Muslim aussi, mais il n'y a rien de mentionné malheureusement. Ensuite le cheikh dit وَالْأَحَقِّيَّةُ فِي الْمَكَانِ فِي الْمَسْجِدِ لِلسَّابِقِ بِالْحُدُورِ بِنَفْسِهِ أَمَّا مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ مِنْ حَجْزِ مَكَانٍ فِي الْمَسْجِدِ تُوضَعُ فِيهِ سَجَّادَةٌ أو عصا أو نعلا ويتأخر عن الحضور هو عن الحضور ويحرم المتقدم من ذلك المكان فإن ذلك عمل غير سائغ بل صرح بعض العلماء أن لمن أتى المسجد رفع ما وضع في ذلك المكان والصلاة فيه لأن السابق يستحق الصلاة في الصف الأول ولأن وضع الحمى للمكان في المسجد دون حضور من الشخص اغتصاب للمكان. Le cheikh il dit que parce que qu'est-ce qui se passe parfois c'est que dans certains pays musulmans dans certaines mosquées il y a des gens qui réservent des places dans la mosquée. Et en particulier, par exemple, dans le premier rang, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent en avance, ils mettent une affaire, quelque chose, une chose quelconque sur la place où ils veulent s'asseoir durant le Jumu'ah, et ils partent par la suite pendant une heure ou quelque chose comme ça. Puis ils reviennent quand les gens sont déjà entrés, puis ils trouvent leur place libre, donc ils s'assoient. Hein, c'est comme s'ils mettent une réservation à leur place, Yanni. Et le cheikh il parle de ça et il dit que qu'est-ce que les gens font de faire ça lorsqu'ils viennent, ils mettent un tapis à une place ou bien un bâton ou bien une sandale, ils mettent ça et ils retardent leur arrivée pour la prière et ils empêchent les gens qui viennent plus tôt de trouver de la place. Et il dit que ça c'est une mauvaise action et il y a des ulama qui ont expliqué que de faire ça, de réserver des places de cette façon-là, il a dit que les ulama ont dit que la personne qui arrive et qui trouve quelque chose à cet endroit-là qui bloque, il a le droit de l'enlever puis de prier à cet endroit-là. Parce que la personne qui vient plus tôt, hein, c'est-à-dire qui arrive puis qui vient puis qui trouve personne, il trouve juste un objet ou quelque chose placé là, eh bien, il mérite plus de s'asseoir là que la personne qui a placé cet objet parce que ça empêche les gens de prendre une place dans la mosquée et c'est comme s'ils volaient une place de la mosquée. Et donc de mettre ça pour garder une place dans la mosquée, c'est pas quelque chose de bien, surtout si la personne retarde à venir. Ensuite le cheikh il dit وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش ونحوها إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين بل محرم وهل تصح صلاته على ذلك المفروش فيه قولان للعلماء لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفروش فيها ومنع غيره من المصلين الذين يسبقونه إلى المسجد أن يصلي في ذلك المكان والمأمور به أن يسبق الرجل بنفسه إلى المسجد فإذا قدم المفروش وتأخر هو فقد خالف الشريعة من وجهين: من جهة تأخره وهو مأمور بالتقدم، ومن جهة غصبه لطائفة من المسجد ومنعه السابقين إلى الحضور أن يصلوا فيه، وأن يتم الصف الأول فالأول، ثم إنه يتخطى رقاب الناس إذا حضروا. Donc le cheikh il explique maintenant les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui a parlé à ce sujet-là et qui dit que ce que certaines personnes font de venir à l'avance pour mettre un tapis ou quelque chose comme ça dans la mosquée le jour du Jumu'ah ou autre jour avant d'aller à la mosquée, il dit que ça c'est interdit par selon l'accord de tous les musulmans, et il dit que c'est haram, et il dit que la prière de cette personne-là, il y a deux opinions parmi les savants. Il y a deux opinions au sujet de la prière de cette personne, est-ce qu'elle est acceptée ou non. Il dit que parce que la personne a volé un endroit ou un espace dans la mosquée avec le tapis qu'il a déposé, et donc il a empêché d'autres personnes de venir alors qu'il l'avait précédé à la mosquée, et il les a empêchés de prier à cet endroit-là. Et il dit le cheikh que quelqu'un est ordonné de venir tôt à la mosquée par lui-même, c'est-à-dire il doit venir lui-même plutôt à la mosquée et non pas de placer quelque chose à cette place-là puis par la suite de retarder lui-même. Donc la personne qui a fait ça, elle a contredit la charia de deux points de vue. Du premier point de vue, c'est qu'elle s'est retardée elle-même, et donc alors qu'elle était ordonnée de venir plus tôt. Et d'un autre point de vue, elle a contredit la charia parce qu'elle a volé une place de la mosquée et empêché quelqu'un parmi les gens qui sont venus plus tôt de prier à un endroit dans un endroit de la mosquée et de compléter le rang, le premier rang, et ainsi de suite. C'est-à-dire on commence par le premier rang puis on continue à remplir les rangs par derrière par la suite. Le cheikh il dit puis par la suite il va être obligé de passer par-dessus les coups des gens lorsqu'il va arriver, parce que la mosquée va être remplie et lui il arrive, et donc il est obligé de faire des pas par-dessus le cou des gens pour arriver, et ça c'est bien entendu, ça a été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire ça. Donc le cheikh il dit: وَمِنْ أَحْكَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَنَّ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ لَمْ يَجْلِسُ حتى يصلي ركعتين ويوجز فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. متفق عليه. Donc l'imam il dit, Cheikh Al-Fawzan il dit que parmi les règles du Jumu'ah, c'est que lorsque une personne rentre à la mosquée et qu'il trouve l'imam en train de faire le khutbah, il ne doit pas s'asseoir avant d'avoir fait deux rak'ah, et il doit les faire le plus court possible. Ça c'est basé sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: lorsque l'un d'entre vous vient à la prière du Jumu'ah et qu'il trouve que l'imam est sorti, c'est-à-dire il est sorti pour faire la khutbah, alors qu'il fasse deux rak'ah. Et ça c'est muttafaqun alayh, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite il dit, et l'imam muslim a rajouté: وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، c'est-à-dire qu'il les fasse plus rapidement, hein, qu'il fasse ces deux rakats plus rapidement. Et ça c'est rapporté selon Jabir. Le cheikh il dit: أي يسرعوا فإن جلس قام فأتى بهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما فقال له: قم فاركع ركعتين. Donc le cheikh il dit que il se dépêche quand il rentre, il se dépêche, il fait ces deux prières. Si il a oublié puis il est rentré puis il s'est assis tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se relève, il fait ses deux rakats, puis il s'assoit. Parce que c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné à son époque, lorsque quelqu'un est rentré dans la mosquée et que cette personne-là s'est assise directement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme-là, est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as fait deux rakats? L'homme a dit non, alors il lui a dit, qum, lève-toi et fais deux rakats. Donc ça aussi c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Jabir. Et ensuite le cheikh il dit ومن احكام صلاه الجمعه انه لا يجوز الكلام والامام يخطب لقوله صلى الله عليه لقوله تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. Ça c'est dans sourate al-a'raf le verset 204. Le cheikh il dit que parmi les règles de la prière du Jumu'ah, c'est qu'il n'est pas permis de parler lorsque l'imam fait sa khutbah, et c'est basé sur le verset dans Suratul A'raf que j'ai dit, et ça dit lorsque le Coran est récité, alors écoutez-le et gardez le silence pour que vous soyez, pour qu'on vous fasse miséricorde, ou pour pouvoir recevoir la miséricorde d'Allah. Et الشيخ الزي وقال بعض المفسرين إنها نزلت في الخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها على القرآن وحتى على القول الآخر بأن الآية نزلت في الصلاة فإنها تشمل بعمومها الخطبة. الشيخ الزي que parmi les gens de tafsir, parmi les ulama de tafsir, il y en a qui ont expliqué que ce verset-là était descendu au sujet de la khutbah, et on l'a appelé Qur'an parce que dans la khutbah on mentionne beaucoup de versets de Qur'an. Et également le cheikh il dit que selon une autre opinion elle est descendue au sujet de la salat, et le cheikh il dit que peu importe que ce soit pour la salat ou non, le cheikh il dit que en général même si c'était pour la salat, ça inclut également la khutbah. الشيخ الزي وقال صلى الله عليه وسلم من قال صح فقد لغى ومن لغى فقد فلا جمعة له. الشيخ الزي حديث rapporté par l'imam Ahmad selon Ibn Abbas رضي الله عنهما. On avait mentionné tout à l'heure en fait. Et ça disait que celui qui dit ça, regardez, c'est comme quelqu'un qui dit ch, hein, voulant dire tais-toi, eh ben, celui qui fait ça, il a dérangé, et celui qui a dérangé, il n'a pas de Jumu'ah. Et il dit également, au fil hadith l'akhar, man takallama fa huwa kal himar, yahmilu asfara, alladhi yaqulu lahu insit, laysat lahu Jumu'ah. والمراد لا جمعة له كاملة. الشيخ الزي que dans un autre hadith, ça dit celui qui parle il est comme un âne qui transporte des livres, et celui qui dit à son compagnon ou qui dit à la personne qui parle tais-toi, alors il n'a pas de récompense pour le Jumu'ah lui aussi. Et donc la signification de ça, comme le cheikh il dit que ça veut dire qu'il n'a pas du tout de Jumu'ah. Ensuite le cheikh il dit encore une fois wa fi sahihayn min hadith Abi Hurayra idha qulta li sahibika yawm al-jum'a insit wa al-imam yakhutub faqad laghawta. Donc ça c'est un hadith authentique toutefois ici qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Huraira, qui dit lorsque tu dis à ton compagnon le jour du Jumu'a tais-toi alors que l'imam fait la khutbah, alors tu as dérangé. Ok. Et le cheikh il dit قلت أي قلت اللغو واللغو الإثم فإذا كان الذي يقول للمتكلم أنصت وهو في الأصل يأمر بمعروف قد لغى وهو منهي عنه عن ذلك فغير ذلك من الكلام من باب أولى. Donc le cheikh il dit que de al-lagh, qui est utilisé dans ce hadith, c'est le péché. Et il dit donc, celui qui a parlé, ou qui a dit à son compagnon de ne pas parler, c'est comme s'il a fait un péché. Et le cheikh, il dit que dans ce cas-là, si on comprend bien ce hadith, la personne qui dit à son compagnon « tais-toi », en réalité, il ordonne le bien et il interdit un mal. Toutefois, même celui-là, il n'a pas le droit de le faire. C'est-à-dire, s'il dit à l'autre qui parle de se taire, il a lui-même fait un péché et il est interdit de faire ça. Donc, si c'est interdit de dire « tais-toi », eh bien, n'importe quelle autre parole également est interdite à dire de façon encore plus importante. Ou de façon encore plus claire. Le cheikh dit ويجوز للإمام أن يتكلم ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة ويجوز لغيره أن يكلمه لمصلحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو وتكرر ذلك في عدة وقائع وكلها في وكل وكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة وكلموه حال الخطبة فيما فيه مصلحة وتعلم ولا ولأن ذلك لا يشغل عن سماع الخطبة. شيخ الذكر il est permis pour l'imam de parler à certaines des personnes qui écoutent lorsqu'il fait la khutba. Et il est permis également à d'autres personnes de lui parler également. C'est permis à d'autres de venir lui parler durant la khutba s'il y a une raison valable et un bien là-dedans. Comme c'est arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parfois demandé des questions à des gens et les gens lui ont répondu. C'est comme par exemple l'exemple de tout à l'heure qu'on a donné au sujet de la personne qui est rentrée et qui n'avait pas fait de raka'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé et lui a dit « Est-ce que tu as fait de raka'a ?» Donc il s'est adressé à quelqu'un dans l'assemblée. Et après la personne a répondu « Non ». Alors il s'est levé et il a fait de raka'a. Hein? Et il dit que c'est arrivé à plusieurs reprises. Donc c'est arrivé à plusieurs reprises que certains des sahaba sont venus pour lui parler durant la khutbah dans quelque chose qui avait un bien dedans, un bienfait ou bien dans le but d'enseigner. Hein? Ça, il dit le cheikh, donc ça n'empêche pas quelqu'un d'entendre la khutbah. Et à certaines occasions même, qu'est-ce qui est arrivé, subhanallah, c'est que il y a une personne, même un mushrik, qui est venu durant la khutbah alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prêcher, de faire la khutbah de Jumu'ah. Quelqu'un est venu qui n'était même pas musulman et il est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam des renseignements sur l'islam. Il dit qu'est-ce que c'est l'islam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu du minbar, il a fait demander qu'on lui apporte une chaise et il s'est assis et il s'est mis à expliquer à cette personne-là des questions de l'islam et qu'est-ce que c'est l'islam. Et quand il a terminé, il est remonté sur le minbar et il a continué sa khutba. Donc ça veut dire que ça c'est dans des cas comme ça ou des cas où il y a un bienfait, eh bien c'est permis pour l'imam de parler et même à des personnes de lui adresser la parole si c'est quelque chose de nécessaire. Ensuite, le cheikh il dit ولا يجوز لمن يستمع الخطبة أن يتصدق على السائل وقت الخطبة لأن السائل فعل ما لا يجوز له فعله فلا يعينه على ما لا يجوز وهو الكلام حال الخطبة. Cheikh il dit que lorsque quelqu'un est en train d'écouter la khutba, c'est pas permis pour lui de donner en sadaqa à une personne qui est en train de lui demander. Parce que la personne qui a demandé, elle a fait ce qui ne lui est pas permis. Et donc, lorsque tu lui donnes en sadaqa durant la khutba, c'est comme si tu l'aides à ne pas écouter. Et donc, dans ce cas-là, il dit, il faut pas, il faut pas donc dans ce cas-là l'aider à faire ça, parce qu'elle parle durant le khutbah, elle demande de l'argent aux gens. Et ça, on voit ça des fois même devant les portes des mosquées, des femmes ou des hommes qui se mettent devant la porte pour demander de l'argent. Et subhanallah, il y a des gens, on dirait que c'est des professionnels dans ce domaine, et même que j'ai vu certains d'entre eux, quand ils vont mendier chez les juifs, ils mettent une petite calotte, ils mettent le petit truc là comme la kippa en arrière, et ils vont mendier chez les juifs. Après, je les vois le vendredi, et ils sont devant la mosquée, ils disent salam alaikum, et ils mendient chez les musulmans. Donc, il y a des gens comme ça, c'est des mendiants professionnels. Et j'en ai vu même une femme avec son petit garçon aller mendier chez les juifs et aller mendier également chez les musulmans de la même façon. Donc on voit qu'il faut faire attention à ceux qui mendient comme ça, il faut bien faire attention parce que souvent c'est des mendiants professionnels. Le cheikh il dit ensuite وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب ولا يرفع صوته بها لأن لا يشغل غيره بها. Le cheikh il dit également que c'est recommandé également d'envoyer le salut sur le prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il entend le khatib dire صلى الله عليه وسلم. Toutefois il ne dit pas au doigt pour ne pas déranger les autres avec sa parole. ensuite, le cheikh dit وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ويسن أن يؤمن على دعاء الخطيب بلا رفع صوت ولا يديه. Le cheikh dit qu'il est également sunna pour les gens de dire amin au dua de l'imam, mais sans lever la voix et sans lever les mains. Le cheikh il dit قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رفع الصوت قدام الخطيب مكروه أو محرم اتفاقا ولا يرفع المؤذن ولا غيره صوته بصلاة ولا غيرها. Le cheikh il dit ici que l'imam ibn Taymiyya a dit que de lever la voix devant le khatib, c'est quelque chose qui est détestable ou bien même interdit selon les savants. Ils sont tous d'accord là-dessus. Et il dit que également le muazzin ou autres ne doivent pas lever leur voix ni pour la salat ni pour autre chose devant le khatib. Donc il dit ça, il dit wa yulahav أن هذا الذي نبه عليه الشيخ لا يزال موجودا في بعض الأمصار من رفع الصوت بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الأدعية حال الخطبة أو قبلها أو بين الخطبتين وربما يأمر بعض الخطباء الحاضرين بذلك وهذا جهل وابتداع لا يجوز فعله. Le cheikh il dit que on remarque que ce que le cheikh l'islam a mentionné à ce sujet là est encore présent dans certaines villes. Il dit que les gens lèvent leur voix pour envoyer le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour faire des duas ou des choses comme ça durant la khutbah et avant la khutba et entre les deux khutba. Et le cheikh il dit que parfois même certains des khutaba ils demandent même aux gens de faire ça, et ça il dit que c'est de l'ignorance et une bid'a et que ce n'est pas permis de le faire. Après il dit وَمَنْ دَخَلَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبْ فَإِنَّهُ لَا يُسَلِّمْ بَلْ يَنْتَهِ إِلَى الصَّفْ بِسَكِينَةٍ. OK, ويصلي ركعتين خفيفتين كما سبق ويجلس لاستماع الخطبة ولا يصافح من بجانبه. الشيخ dit celui qui entre et qu'il trouve que l'imam est en train de faire la khutba, alors il ne doit pas faire le taslim, il ne doit pas faire le salam, c'est-à-dire dire salam à haute voix, Il rentre et il se place là où il y a de la place, en paix, hein, et il fait deux rak'at légères, il les fait rapidement, et puis il s'assoit calmement pour écouter la khutbah, et il ne donne pas la main à personne à côté de lui. Le Cheikh dit, « وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْعَبَثُ حَالَ الْخُطْبَةِ بِيَدِهِ أَوْ رِجْلٍ أَوْ لِحْيَةٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى صَحَّحَهُ الترمذي وَفِي رِوَايَةٍ وَمَنْ لَغَى فَلَا جُمُعَةَ لَهُ لِأَنَّ الْعَبَثُ يَمْنَعُ الْخُشُوعَ. Le Cheikh dit qu'il n'est pas permis également de s'amuser ou bien de jouer avec avec nos mains ou avec nos pieds ou avec notre barbe ou avec nos vêtements ou autre chose. Le jour de lorsque l'imam fait la khutbah, on n'a pas le droit de jouer avec quoi que ce soit comme ça, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui touche aux pierres alors il a fait un péché. Et ça c'est rapporté par Tirmidhi, et dans une autre narration, celui qui a fait un péché, alors il n'a pas de Jumu'ah. Quand on dit un péché, c'est-à-dire il a dérangé ou n'a pas été concentré dans sa khutbah, à écouter la khutbah. Et donc, pourquoi on est interdit de jouer comme ça avec nos choses? Eh bien, c'est justement parce que ça nous enlève notre concentration. Le Cheikh dit, وَكَذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَلْتَفِتَ يَمِينًا وَشِمَالًا ويشتغل بالنظر إلى الناس أو غير ذلك، لأن ذلك يشغله عن الاستماع للخطبة، ولكن ليتجه إلى الخطيب، وكان الصحابة رضي الله عنهم يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حال الخطبة. الشيخ الزي qu'il ne faut pas se tourner à gauche et à droite et commencer à regarder les gens et s'occuper à regarder les gens ou autre chose de ce genre. Il dit non, tu dois te préoccuper d'écouter la khutbah et tu dois te diriger en direction du khatib. Tu te tournes vers le khatib. Même si tu es, on va dire, à gauche ou à droite de la mosquée et l'imam, lui, est au centre de la mosquée, eh bien, tu te places pas en face de la qibla. Tu ne te tournes pas en face de la Qibla, mais tu te tournes en direction de l'imam. Hein? Ça, c'est une erreur qu'on trouve souvent, que les gens font. Ils ne se tournent pas vers l'imam, ils se tournent vers la Qibla. Donc, tu te tournes vers l'imam lorsque tu écoutes la khutbah, et lorsque la khutbah est terminée, eh bien, tu te tournes, et là, tu te places pour te mettre debout dans la prière, hein? Vers la Qibla. Mais les gens, ils se tournent vers la Qibla, même parfois avant même que la khutba soit avant même que la khutba soit terminée. Le Cheikh dit walakin, donc il se tourne vers le khatib comme les sahaba faisaient, hein, ils se tournaient tous vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la khutba, et ça c'est un hadith sahih. Et l'autre aussi tout à l'heure rapporté par Tirmidhi, il était sahih également. Et ensuite il dit wa idha atasa fa innahu يحمد الله سرا بينه وبين نفسه. Ici il éternue, alors dans ce cas-là il dit alhamdulillah en lui-même, entre lui-même, et pour pas au voyani, pour pas déranger les autres. وبالجملة فالخطيب فخطبة الجمعة فخطبة الجمعة لهما أهمية عظيمة في الإسلام لما تشتملان عليه من تلاوة القرآن وذكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتضمنها التوجيهات النافعة والموعظة الحسنة والتذكير بأيام الله، فيجب الاهتمام بهما من قبل الخطيب ومن قبل المستمعين، فليس خطبة الجمعة مجرد حديث عاد كالأحاديث التي تلقى في النوادي والاحتفالات والاجتماعات العادية. ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض المستمعين لخطبة الجمعة يرفع صوته بالتعوذ عندما يسمع شيئا من الوعيد في الخطبة أو يرفع صوته بالسؤال بالسؤال والدعاء عندما يسمع شيئا من الذكر والثواب أو الجنة، وهذا شيء لا يجوز وهو داخل في الكلام المنهي عنه حال الخطبة. وقد دلت النصوص على أن الكلام حال الخطبة يفسد الأجر، وأن المتكلم لا جمعة له، وأنه كالحمار يحمل أسفاره، فيجب الحذر من ذلك والتحذير منه. نعم. شيخ يقول donc d'après ce qu'on a vu en général, c'est que la khutba, les deux khutba qu'on fait le Jumu'ah, c'est très important dans l'islam. Il y a dedans la récitation du Coran, la mention des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a également des directions importantes et bénéfiques, et des bonnes exhortations, et le rappel des jours d'Allah. Et donc il est important de s'en préoccuper, de lui donner une importance, que ce soit de la part du khatib ou de la part des gens qui écoutent. Et la khutbah de Jumu'ah, ce n'est pas seulement des histoires qu'on raconte et des histoires qu'on dit dans les comme on fait dans les fêtes ou dans les réunions ordinaires, hein. Donc c'est pas juste des racontages. Et il dit donc que c'est important également de mentionner que parfois il y a des gens qui écoutent la khutbah puis qui élèvent la voix lorsqu'ils entendent quelque chose au sujet du châtiment ou quelque chose comme ça, ils disent A'ouzou billah, des choses comme ça. Ça, c'est pas permis de lever la voix. Ou bien lorsqu'ils entendent un doua, ils lèvent la voix pour dire Amin ou quelque chose comme ça à haute voix. Il dit le cheikh que ça, c'est pas bien non plus. Il faut pas que les gens parlent dans le lorsque l'imam fait la khutbah. Et le cheikh, il dit que à ce sujet-là, il y a beaucoup de preuves qui montre que celui qui parle va perdre sa récompense de son Jumu'ah, et que celui qui parle le jour du vendredi, il est comme un âne qui porte des livres, et donc il faut faire attention à cet avertissement. Ensuite, le cheikh il dit pour terminer, وَقَدْ ذَكَرَ الْعُلَمَاء رَحِمَهُمُ اللَّهِ أن صلاة الجمعة فرض مستقل ليست بدلا من الظهر. وقال عمر رضي الله عنه إن صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والعيد ركعتان وتمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. Donc il dit que les ulama ont mentionné que la prière de Jumu'ah c'est quelque chose qui est une obligation indépendante et n'est pas en remplacement de la prière de Zuhur. Et il mentionne le hadith rapporté selon Omar radiallahu anhu qui dit que la prière de voyage, elle est de deux rak'at. La prière de Jumu'ah, c'est de deux rak'at, et la prière de Eid, c'est de deux rak'at, et ça c'est complet et ce n'est pas raccourci. Et donc ça c'est de la langue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. وذلك لأنها تخالف صلاة الظهر في أحكام كثيرة، وهي أفضل من صلاة الظهر وأكد منها، لأنه ورد في تركها زيادة تهديد. الشيخ dit que la prière de Jumu'ah elle est différente sur plusieurs règles en ce qui concerne la prière de Zuhur. Donc il y a une différence entre les deux. Et la prière de Jumu'ah, elle est meilleure que la prière de Zuhur, et elle est plus certaine encore dans son obligation que la prière de Zuhur. Et il y a également des punitions spécifiques et des menaces plus claires et plus spécifiques qui ont été mentionnées au sujet de la personne qui l'abandonnait. Ensuite il dit لأن لها شروطا وخصائص ليست لصلاة الظهر ولا تجزي عنها صلاة الظهر ممن وجبت عليه ما لم يخرج وقتها فصلاة الظهر حينئذ تكون بدلا عنها. الشيخ زي parce que cette prière-là de Jumu'ah, elle a des conditions et des particularités que la prière de Zuhr ne possède pas. Et donc, celui qui fait la prière de Zuhr, ça ne remplace pas la prière de Jumu'ah pour lui. Donc il est obligatoire pour lui de faire la prière de Jumu'ah tant que son temps n'est pas sorti, parce que la salat de Zuhur, elle n'est pas en remplacement de la prière de Jumu'ah. Donc ça veut dire que si tu arrives par exemple et puis que la prière de Jumu'ah elle n'a pas encore été faite, et là tu pries le Zuhur, eh bien ça compte pas pour le Jumu'ah. Il faut que tu fasses ton Jumu'ah. C'est quand même obligatoire de faire le Jumu'ah, excepté si tu l'as manqué. Mais dans ce cas-là, tu l'as manqué, là tu fais le Zuhur, mais ça compte, le Zuhur que tu fais, ça va pas être en remplacement de ton Jumu'ah, ça va juste être comme une prière de Zuhur ordinaire. C'est-à-dire, tu n'auras pas la récompense d'avoir fait le Jumu'ah lorsque tu as fait le Zuhur. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera encore une fois demain pour compléter ce chapitre sur la prière de vendredi, inshallah. On va faire la suite demain. Inshallah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et que yani on demande à Allah qu'il nous rende toutes ces informations bénéfiques et de les appliquer inshallah dans notre vie. آمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.